j'aurais bien voulu t'aimer, mais t'aimais mieux te faire baiser par moi, par lui. Puis tu me disais que c'était fini, pourquoi? Dis-moi, nous étions les deux comme ça, dis-le-moi, mon amour. Pourquoi je te vois partout autour? Wow, tu as profité de ton séjour pour t'éloigner de moi pour toujours. Tu m'avais dit de pas m'attacher, yeah, yeah, mais moi, je t'ai trop aimé. Tu me disais que t'étais mêlé, et toi t'étais d'un bras de morphée, pis moi, mon côté, j'espérais te retrouver. Yeah, yeah, yeah, yeah, j'aimerais bien que je t'oublie, mais ton sourire reste gravé en moi. Pour toi, je n'étais qu'une autre proie. Yeah, yeah, yeah, yeah, tu as profité de ton séjour pour t'éloigner de moi pour toujours. Tu m'avais dit de pas m'attacher, yeah, yeah, mais moi, j't'ai trop aimé. Let's go to Vitry! Yeah, yeah, mais moi, j't'ai trop aimé. Mais moi, j't'ai trop aimé. J't'ai trop aimé.